18 mois plus tard, René et Maryse achevaient de déjeuner quand apparut Urbain, portant une carte sur un plateau. « Qu'est-ce ? » fit René, surpris de la face imperceptiblement hilare de son valet de chambre. « Ah, prince, une visite !»« On n'a pas dit que je n'en recevais pas. » »« C'est ce qu'on a répondu, prince, mais le visiteur m'a fait appeler personnellement, à toi, pour vous transmettre sa carte. »« C'est donc quelqu'un que tu connais ?»« Et votre excellence aussi. » J'ai cru devoir obtempérer aussitôt, pensant que cette visite serait peut-être agréable à mon prince, dit Urbain en présentant le plateau. Le prince prit la carte et haussa les sourcils. Un par exemple. Où est-il? Je l'ai fait entrer, prince, dans le petit salon. Avec la permission de la princesse, je m'y rends tout de suite. Tu m'y feras servir le café et des liqueurs. J'ai hâte de revoir ce vieil ami, si grognon et si brave homme. Dans le petit salon, le prince trouva debout, sanglé dans une redingote au revers de laquelle était piquée la rosée de Saint-Dominique, le général Gormas. « Mon excellent ami !» s'écria René en s'élançant vers lui la main tendue. Le vieux général, courbé en deux, prit cette main et la grande surprise du prince la porta à ses lèvres. « Ah ça ! Mais sourit le prince, que faites-vous ? Je rends sire mon hommage à mon roi. »« Sire, roi, ah ça ! Quel est ce galimatia ? Plaise à votre majesté de ne voir là aucun galimatia. Plaise surtout à votre majesté de donner à ces titres un sens réel. Que veut dire cela ? Que je suis venu auprès de vous, prince, en mission. En mission, que voulez-vous dire ? Que le gouvernement d'Ipérie m'a fait l'insigne honneur de me désigner auprès de votre majesté comme l'interprète de l'unanimité des membres de son conseil et de l'unanimité de ses deux chambres pour vous demander d'accepter la couronne. Oh, oh ! Vous connaissez Pierre ? L'immense popularité de votre auguste personne dans tous les cœurs hypériens. Les intérêts et les aspirations du pays réclament un roi, leur roi. Quelle réponse, prince, daignerez-vous me charger de rapporter à ceux qui vous aiment, qui vous appellent, qui vous attendent ? Le prince passa cordialement son bras sous celui du général et le conduisit à une fenêtre qui donnait sur un coquet petit parc. Sous un dais de verdure, Maryse était assise dans un fauteuil de jardin. Des raies de lumière qui coulaient de la ramure se jouaient dans des beaux cheveux blancs. Une nourrice était venue auprès d'elle, lui apporter un exquis petit être de quelques mois, perdu dans des dentelles et des rubans, que la mère avait pris sur ses genoux et considéré avec amour. « Regardez, » dit-il simplement. « Prince, » s'émut le général, « je n'ose encore comprendre la réponse que voulait me faire entendre. Voudriez-vous, Gormas, que je quitte ceci pour cela ? Prince, l'intérêt primordial du pays vous appelle, ne l'oubliez pas. Les partis qui le divisent ne peuvent s'unir que sous votre nom populaire, aimé de tous. L'Ipérie, depuis 18 mois déchirée, a besoin de calme, de bonheur. C'est à votre cœur que j'en appelle, et j'ose respectueusement le dire à votre conscience. Tout un peuple vous appelle, vous acclame. Votre refus serait une des plus cruelles blessures que vous pourriez lui faire. Il faut venir régner. » Il n'y a à cela, sur le prince, qu'une difficulté, mon mariage. Prince, il est décidé à l'unanimité et avec transport que votre mariage sera officiellement reconnu, votre épouse associée à la dynastie et votre fils proclamé légitimement héritier du trône. Avez-vous le droit, sire, d'écarter de la couronne cet enfant de votre sang ? Le prince resta profondément pensif. Sire, exulta le brave Gormas ému. Je vois que j'ai eu le bonheur de vous offrir là une raison qui vous touche. Certes, certes. Me sera-t-il permis d'aller présenter mon respectueux et fidèle hommage à Sa Majesté la Reine ? Mais certes, puisque vous dînez avec nous, Gormas. Sire, s'effara le protocolaire personnage, l'étiquette. Encore ? Je m'incline devant votre ordre, sire, profondément ému de cet insigne honneur. Me sera-t-il permis de laisser à lui aussi Son Altesse ? Qui ça ? Son Altesse, le prince héritier. Jaco ? Fit le prince en riant. Pauvre petit. Attendez au moins que Son Altesse ait pris son lolo. Quelques mois plus tard, dans le magnifique parc planté de palmiers et de sycomores, où elle avait jadis égaré ses pas, et où le hasard l'avait mise en présence de ce jeune inconnu en costume de sport et aux yeux de velours, qui avait frappé son cœur, Maryse passait, escorté des grands lévriers blancs de René, qui le faisait fête et suivi à 10 pas par un officier en tenue. comme elle contournait le grand bassin au jet d'eau et traversait les parterres aux magnifiques fleurs, une foule de gens, pressés derrière la grille, venaient là pour regarder la jeune reine faire sa promenade matinale dans le parc. En l'apercevant, un long hurlement jaillit de toutes les poitrines. « Vive la reine ! Vive notre reine !» Marie salua d'un sourire nacré qui renoubla les acclamations. Elle passa, se demandant si elle ne faisait pas un rêve fou. Ainsi s'achève « Jeune, belle, riche, libre » par Auguste Mariot.